Chapitre 18e, le tombeau vivant. Paulin Broquet, dès les premiers jours, la petite famille japonaise se trouva installée confortablement dans les dépendances du bungalow, avait manifesté devant Hayamaki le désir de connaître l'entrée mystérieuse de la maison de Futsi. Dès ce jour-là, Hayamaki, pour plaire à Paulin Broquet, s'était mis en tête de découvrir ce secret. Il lui plaisait, en effet, de partir à la poursuite de renseignements pour son bienfaiteur, et ses agissements de détective convenaient à merveille à son intelligence, à son esprit avisé, à sa souplesse, à son courage. Il ne chercha pas à savoir ce qu'était Paulin Broquet. Il le supposa néanmoins, mais il lui suffisait que, dans un but qu'il n'avait nullement besoin de connaître, Paulin Broquet lui confia une mission de recherche pour qu'avec toute son âme, son ardeur de japonais, il s'y adonna complètement, à la grande satisfaction de celui qui l'employait. En plus de l'ordre qu'il avait à exécuter, Hayamaki s'ingéniait pour trouver le moyen de poursuivre le but qu'il s'était lui-même assigné, la découverte du secret de la maison de Futsi. Or, ce jour-là, mêlé à la foule, il avait rôdé pendant longtemps autour de la maison du marchand chinois. Il étudia les gens qui entraient, remarqua que beaucoup ne sortaient que fort longtemps après avoir pénétré chez Futsi, que plusieurs même n'étaient pas revenus sur les marches de l'escalier de bois. Cela l'intrigua énormément. Il s'attarda plus que les autres jours aux abords du magasin, se doutant qu'à l'intérieur il se passait quelque chose de nouveau, et espérant surprendre un peu du mystère. Il avait remarqué un Chinois qui plusieurs fois était entré puis sorti pour revenir encore chez Futsi. Les allées venues de ce céleste l'intriguèrent tout spécialement, et une fois qu'il le vit encore sortir, il eut l'idée de le suivre à quelques pas, de le filer, afin de savoir où il se rendait en s'éloignant de chez Futsi. Le Chinois se glissa dans la foule, et tout autre que Hayamaki, habitué au grouillement de la rue et sachant, parmi ses milliers de faces jaunes se ressemblant toutes, reconnaître son homme, s'y fut perdu. Hayamaki, en dépit des tours et des détours que faisait le Chinois, comme si, se sachant suivi, il voulait semer son pisteur, ne le perdit pas de vue. Le Chinois, après une assez longue course dans les rues lointaines, revint peu à peu du côté de la maison de Futsi à son point de départ. Il arriva enfin à la petite rue qui formait angle avec la grande artère où se trouvait la façade de la maison de Futsi. Hayamaki suivait toujours. Le Chinois passa l'angle de la maison de Futsi, puis il revint brusquement sur ses pas et se trouva ainsi en face du Japonais qui se tenait près de la porte d'une maison voisine. Hayamaki s'arrêta, se rangea le long du mur en bois de cette maison pour laisser passer le Chinois et reprendre sa poursuite. Mais, par contenance, il eut l'air de vouloir allumer une cigarette. Le Chinois arriva à sa hauteur. Lui aussi avait une cigarette non allumée aux lèvres. Tout naturellement, le Chinois s'arrêta devant le Japonais. Il attendit qu'il lui allumait sa cigarette et, sans dire un mot, par geste seulement, lui demanda du feu. Hayamaki lui tendit sa cigarette, allumée maintenant au bout de ses doigts. Le Chinois se pencha sur la cigarette, approcha la sienne et tira plusieurs énormes bouffées pour la bien allumer. Hayamaki put sentir qu'au tabac chinois était mélangé du jasco, un stupéfiant dont usent la plèbe américaine et les jeunes misérables pour qui l'opium est trop cher. Tout en allumant sa cigarette, le Chinois regardait Hayamaki. Et Hayamaki, pour ne pas sentir cette odeur à la fois âcre et fade du jasco, avait détourné légèrement la tête. À ce moment, dans la foule, un mouvement inattendu se produisit. Le Chinois reçut dans le dos une forte poussée. Il alla donner de la tête dans la poitrine du Japonais. Hayamaki, bien que Jiu-Jutsu-man de première force, surpris, n'eut pas le temps de parer le choc. Il fut projeté fortement en arrière et alla heurter du dos contre la muraille de bois de la maison. Sous l'heure, la muraille céda, et Hayamaki, ayant soudain compris le piège, poussa un hurlement, un appel désespéré, et tomba dans le vide. Voilà pourquoi ce soir-là on attendait en vain Hayamaki au bungalow blanc. Voilà pourquoi la petite branche de glycine, la douce Tsuru, pleurait. Hayamaki tomba dans une flaque d'eau qui amortit sa chute. Il resta cependant un assez long moment avant de se remettre tout à fait. Puis il se dressa soudain, en proie non à la frayeur, mais à l'épouvante. Il venait de sentir passer autour de lui un corps long, rond, froid, comme un serpent. Mais un serpent sans écailles. « La murène !» se dit Hayamaki, « la murène !» La murène ou l'emproie est une colossale anguille dont la chair est exquise et dont les Chinois font un régal tout particulier. Comme les anciens Romains, les Chinois ont des viviers de murènes. Or, la murène ne mange que de la chair vivante, elle est d'une voracité insatiable. On jetait autrefois les esclaves aux murènes et les malheureux disparaissaient morceau par morceau, déchiquetés épouvantablement par de mâchoires petites, mais armées de dents plus tranchantes, plus dures que l'acier. Avec quoi, dans les viviers secrets de la Chinatown, engraissait-on les murènes? Ces viviers n'étaient-ils pas un des aboutissements de ce fameux couloir de l'oubli? Il n'a d'ailleurs pas à essayer de lutter contre les murènes, à les chasser, à les vouloir combattre, elles ont toujours faim et le mouvement les excite, les rend plus voraces. Ayamaki se sentit absolument perdu et il vit quelle mort atroce lui était destinée. Il allait être dévoré vivant. Maintenant debout, il n'osait bouger de peur d'exciter les murènes. Il les sentait passer lentement, rôder autour de lui. Elles venaient reconnaître, sentir la proie, très prudente, avant d'y donner le premier coup de dent. Combien de temps ce supplice de l'attente du premier coup de la mort allait-il encore durer? Car lorsque l'une d'elles, plus affamée ou plus hardie que les autres, aurait mordu, tout aussitôt se ruerait sur la proie et chacune voudrait le plus grand morceau de chair vive. C'était épouvantable, il y avait de quoi devenir fou.